Allez, on poursuit ce direct du Parc Expo Hall B, Hall A, hall d'entrée surtout pour la radio et son studio mobile. Toujours en direct du week-end de la vie associative à 15h43. Le temps passe de... Ça y est, on commence à courir après l'horloge, là. Ça commence à être la course. On se fait happer à droite, à gauche. Voilà, forcément, c'est la grande rentrée hein, associative. Et alors, on accueille une nouvelle association sur notre espace radio et au micro dans le cadre de ce week-end de la vie associative avec Sport dans la ville qui nous rejoint. Et alors, pour représenter cette association, c'est Brice. Bonjour. Qui est avec nous. Bonjour. Brice Pariel, oui, si j'ai la référence exacte. Tu es responsable, je me permets de te tutoyer, avec on plaisir. Va faire au plus simple et au plus direct. Oui. Responsable sportif territorial. C'est ça, exactement. Voilà, tu peux nous dire en quoi ça consiste ? Alors donc mon rôle c'est de chapeauter un peu les séances qu'on propose pour les jeunes. Donc je gère la partie sport sur trois territoires, la Cotonne-Mont-Reynaud pour Saint-Étienne et la Ricamarie. D'accord. Il y a d'autres quartiers concernés ? Ouais, c'est ça. On est aussi sur Saint-Chamond, donc Fonsala et Isieux. Mais ça c'est du coup mon collègue qui gère. D'accord. Et j'avais noté Mont-Reynaud sur Saint-Étienne. Ouais, c'est ça. La Cotonne-Mont-Reynaud et du coup la Ricamarie. Ah, la Cotonne-Mont-Reynaud, ouais. Pardon. Ouais. J'avais visualisé que ça, je commence à manquer d'attention. La fatigue commence à poindre. Voilà pour les quartiers concernés. Alors effectivement, on avait eu écho parce que nous réalisons des émissions au cœur des quartiers. Ici à Radio Dio, en lien avec une autre radio associative qui est sur l'Ondaine. Et au mois de juin-juillet, une de ces émissions, c'est Radio Citoyenne, Parole de Citoyen, une radio que nous menons, co-réalisons, co-produisons dans le cadre du contrat de ville. Eh bien, cette dernière portait sur Sport dans la ville. Et c'était une émission qui avait été réalisée précisément à Saint-Chamond, au quartier Fonsala. C'était en juin dernier. Donc une émission spéciale a été réalisée ouais. Concernant déjà cette thématique et cette approche. Alors ça me permettait moi juste de questionner, puisque j'évoque contrat de ville, politique de la ville, mmh. On parle des quartiers, on parle de sport dans la ville. Oui. On va essayer d'y voir clair. Est-ce qu'il est juste possible très rapidement d'expliquer ce qu'est Sport dans la ville, qui n'est pas un dispositif de la politique de la ville pure et dure. Voilà, c'est exactement ça. Donc Sport dans la ville, ça a été créé en 98 à Lyon, grâce à Philippe Audou. Nous, dans la Loire, on est une antenne de la région Aura, donc c'est Lyon qui chapeaute un peu tout. On est arrivé dans la Loire à Saint-Étienne en 2007, avec les premiers terrains en 2009. Et voilà, depuis on a ouvert Cotonne et Mont-Reynaud en 2009. Ensuite, en 2013, on a ouvert à la Ricamarie. Et ensuite, on a juste étendu les différents sports. On a commencé par le foot, ensuite on a mis le basket, la danse, le tennis avec tous les partenaires dans nos quartiers. Et voilà, et depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises, on est à Saint-Chamond, à Fonsala d'abord, et ensuite à Isieux en 2023. Mais c'est quand même très ciblé, quartier, oui. Souvent géographie prioritaire. Oui, c'est ça. C'est tous, ça les, on, ouais. Tous les quartiers qu'on vient de citer, ou les communes comme la Ricamarie, sont des territoires, je dirais, concernés. Oui, c'est ça. Notre but, c'est de s'installer dans les quartiers, dans les QPV, quartiers politiques de la ville. Donc on n'est pas du tout là pour faire de la compétition. On renvoie même très souvent des jeunes qui veulent de la compétition vers les clubs. Nous, notre but, c'est vraiment inculquer les valeurs sociales et professionnelles à travers le sport pour ensuite avoir un suivi pour les plus grands vers donc la partie job dans la ville. Que je peux vous expliquer aussi avec mais grand plaisir. Il faut, et je te laisse le soin de développer tout ça. Pas de souci, Brice. N'hésite pas. En gros, parlons par exemple de ce projet social par le sport. Mmh. Ça veut dire que vous visez, tu parles de projet social et professionnel éventuel, futur. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez un public cible ? J'imagine que oui. Et donc d'expliquer comment vous fonctionnez, la visée finalement aussi du projet. Non, en fait, le public cible, c'est vraiment les jeunes des QPV en général. Il n'y a pas forcément de public vraiment ciblé. On peut dire 6, 7, 16 ans. Enfin, on ouvre à partir de 6 ans les séances. D'accord. Jusqu'à 26 ans. Donc là, ils peuvent faire ça. Là, c'est vraiment notre porte d'entrée. Et ensuite, à partir de 14 ans, on essaie d'aller voir un peu ce qu'ils veulent faire dans la vie, s'ils savent ou s'ils ne savent pas trop vers quel diplôme ils veulent aller. Et ensuite, c'est là où nous, on prend le relais pour les aider à trouver leur voie. On fait des visites d'entreprise, on fait du parrainage avec nos partenaires. On propose sur toutes les vacances, surtout pour la partie job, on propose tout ce qui est... CV, lettre de motivation, comment faire, des simulations d'entretien. Et le but, c'est vraiment, voilà, la porte d'entrée, c'est le sport. Et donc, enfin, notre devise, du sport à l'emploi. Voilà, la porte d'entrée, mais c'est-à-dire que tout ce qui concerne job, entrepreneuriat, par exemple, c'est pas forcément dans ou lié au sport. Non, pas forcément. Pas forcément. On prend des jeunes qui sont dans le besoin. Ils viennent nous voir directement à travers le prisme job dans la ville. Et du coup, ils font pas forcément de séance avec nous. D'accord. Donc c'est vraiment la ville, en fait, votre. Ouais, c'est ça. Les quartiers. Votre axe de. Ouais. Et le sport, c'est une entrée. Mais c'est vos trois grands programmes, c'est sport et éducation, et finalement, donc, et job et entrepreneuriat. C'est ça. Alors, par exemple. Est-ce qu'il serait possible, sur tes terrains, on va dire, justement, d'intervention, de témoigner, de nous expliquer comme ça, pour avoir une idée du parcours, de ce que tu fais, de comment un jeune est justement concerné, d'un parcours possible, ouais, en forme de témoignage, voilà, et à titre d'exemple, quoi. Les séances, c'est mercredi et samedi. Donc moi, en fait, j'arrive sur les séances, les éducateurs sont déjà en train d'animer. Je discute un peu avec les jeunes. S'il y en a qui, si je vois que c'est des un peu plus jeunes, on a aussi le dispositif donc réussite dans la ville, où là c'est plus de l'aide à la scolarité. Donc c'est, voilà, en discutant avec les jeunes qu'on voit un peu si on peut les emmener vers nos différents programmes, ou ils ont pas du tout besoin, s'ils sont juste là vraiment pour le plaisir du sport. Pour donner un exemple, on a un jeune qui vient de la Ricamari qui est arrivé sur sport dans la ville aux alentours des 10 ans. Ensuite, à partir de 14 ans, il a fait le programme Job dans la ville, à travers aussi le programme Passe décisive, où là on aide les jeunes non diplômés, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais qui va réouvrir d'ici quelques années. Ensuite, via ce programme, il a passé les diplômes qui l'intéressaient. Il a fait des séjours aussi à l'étranger, ce qu'on propose à travers le sport, étant donné que c'est un jeune vraiment méritant. Et là aujourd'hui, à savoir qu'il a passé tous ses diplômes pour être éducateur, et maintenant il est éducateur sur nos terrains à Isieux, à Saint-Chamond. D'accord, mais alors ça m'interpelle de plusieurs choses, c'est comment vous accompagner, parce que du coup c'est un travail au long cours, hein, quand même, qui demande vraiment un suivi, un accompagnement. Mais comment vous procédez? Toi, tu es éducateur sportif, un responsable, du coup vous travaillez en partenariat avec d'autres, corps de métier, je dirais, enfin voilà. Et m'interpelle aussi la question de la, alors pas sélection, mais en même temps, là tu viens de dire d'un jeune très méritant. Oui. Ce qui veut dire que certains méritent pas d'autres. Enfin, tu vois, je me questionnais aussi du profil, de comment vous accompagnez, et de qui vous accompagnez, pour le coup, ça m'interpellait. Donc pour la partie méritant, c'est surtout sur le sport. En fait, on propose aussi des camps et séjours en France et à l'étranger. Ça, c'est plus un peu nos sorties pépites, parce que tout au long de l'année, ils ont des tournois, ils ont des sorties match où on va chez nos partenaires. Par exemple, le SCAB à Saint-Chamond, André Dieu Foot, l'ASVEL pour le basket, l'OL pour le foot. Ça, du coup, les sélections vraiment à la méritocratie, c'est vraiment pour le sport. Et ensuite, sur la partie job, c'est vraiment aux besoins des jeunes. Il y en a qui ont besoin d'un suivi régulier où on les voit en individuel. Il y en a qui vont venir faire que les ateliers collectifs pour vraiment étoffer un peu leur savoir sur les CV, lettres de motivation. Et il y en a qui veulent vraiment un suivi de loin, où dès qu'ils ont besoin de trouver une alternance, de trouver un stage, là, on va pouvoir être derrière eux. On fait vraiment à la demande du jeune, surtout pour sur cette partie plus professionnelle. Et alors, moi, j'avais relevé quelques chiffres, par l'intermédiaire aussi de votre association et de sa directrice, qu'on salue, leur collègue, directrice territoriale, que j'avais eu à contact pour préparer aussi cette rencontre. Alors, depuis 2007 à Saint-Étienne, oui, c'est ça. 900 jeunes de la Loire qui ont été accompagnés, notamment sur ces territoires de Saint-Étienne, Ricamari, Saint-Chamond. La saison dernière. Oui, c'est ça. 900 sur une saison. Ouais, c'est sur une saison. Ouais. Ok, c'est pas sur. Non, c'est sur une saison. L'ensemble, parce que effectivement, ça me paraissait à la fois peu, à la fois. Ok. Et alors, tu parlais de terrain tout à l'heure. Ouais. Disposer de terrain, premier terrain en 2009, etc. Ça veut dire que c'est véritablement des terrains dédiés, terrains sportifs, qui ont été mis en place et créés sur ces quartiers à l'initiative de Sport dans la Ville. C'est ça. Alors, c'est à notre initiative, mais on les construit en lien avec les villes. Les financements viennent souvent des partenaires privés que nous on cherche un peu avant de pouvoir proposer ça aux villes, et après ça se construit en lien avec les villes. Les terrains appartiennent aux villes, mais on a des contrats pour les utiliser. Donc les temps de séance, mercredi, samedi, tout le reste du temps, ils sont ouverts au public. Ah, donc ils sont aussi mutualisés. Ouais, c'est ils ça. Sont à multi-usage finalement, pas qu'à vocation sport dans la ville. C'est ça. D'accord. Très bien. Et alors, je voulais aussi revenir et faire focus un peu sur peut-être des séances sportives spécifiques. Et notamment des nouvelles séances qui ont l'air de se développer, en tout cas que vous mettez en place, dédiées précisément ou principalement aux filles, à la fois locales dans la ville, mais aussi à l'international, elles dans la ville, il me semble, et puis, le programme dédié à l'international. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire quelques mots ? Donc elles dans la ville, ça a été créé pour développer le sport féminin, parce qu'on se rend compte que dans les quartiers, les filles ont un peu plus de difficultés à accéder au sport en général, le regard des autres, l'envie aussi de faire du sport et l'accessibilité. Donc on a créé ce programme Elle dans la ville pour proposer ces séances. Le foot, il y a une séance spéciale pour les filles. Le basket, il y a une mixité assez naturelle qui se fait, donc pas besoin de séances. Et ensuite, on a des séances dédiées aux filles, tels que le tennis et la danse dans certains territoires. À la Cotonne, on vient d'ouvrir la danse l'année dernière, et tennis et danse depuis plusieurs années à Moreno. C'est des séances que, donc il n'y a pas de terrain à créer directement, on va plus voir les partenaires qu'il y a sur le territoire directement. Par exemple, pour le tennis de Moreno, c'est le club Michon qui nous accueille et qui nous propose les séances avec un coach diplômé. Pour la danse, pareil, on est à l'école Cours-la-Fontaine, avec un professeur qui est de sport dans la ville. Et la danse de la Cotonne, on est à Diptyque, donc depuis l'année dernière, qui nous ouvre leurs locaux et qui nous met un professeur à disposition. Leur studio. Donc en fait, vous avez aussi en appui les structures locales, les clubs, les éducateurs de quartier, éducatrices de quartier, etc. On est vraiment en lien avec spécialisés. On est vraiment en lien avec tout ce qui se passe dans le quartier. Le but, c'est vraiment essayer de mutualiser le plus possible ce qu'on fait tous. Il y a des événements où on va inviter tous les partenaires, que ce soit sportifs ou social. Le but, c'est vraiment de montrer aux jeunes qu'on est là pour eux, qu'ils ont accès à tout ça assez facilement. Et donc là, comment se passe cette rentrée, par exemple ? Parce que est-ce que les jeunes viennent à vous ? Est-ce que vous appuyez sur ces relais, on va dire la structure locale de proximité qui repère et qui vous envoie des jeunes ? Enfin voilà, comment vous procédez exactement ? Et comment s'annonce la rentrée, du coup ? Ou est-ce que vous faites aussi du ponctuel ? C'est à la séance, un mercredi après-midi, il va y avoir 30 jeunes, le samedi suivant 5, ou est-ce que c'est à l'année, adhésion ? Enfin voilà, multi-questions, désolé. Ouais, c'est un peu de tout, c'est multi-question, mais c'est multi-réponse aussi. Multi-réponse. Alors on utilise des moments comme ça pour un peu nous faire connaître pour le public qui ne nous connaît pas encore. Mais on a du coup sur les 900 inscrits de l'année dernière, plus de la moitié vont c'est les chiffres sur les années passées, plusieurs vont se réinscrire. Et ensuite on utilise les écoles, les partenaires pour donner nos flyers. Là, nos séances n'ont pas encore commencé, donc on n'a pas encore un visuel sur l'année, mais on a déjà beaucoup de demandes de parents qui nous appellent quand est-ce que les séances commencent, même les enfants eux-mêmes qui nous disent on est déjà sur les terrains, il n'y a personne. Donc si les enfants vous m'écoutez, on commence à partir de mercredi 10. D'accord. À partir de mercredi, ce mercredi bien sûr. C'est ça. Si le terrain n'est pas bloqué, bien sûr. Oui, évidemment. Et alors du coup, combien vous êtes de responsables sportifs comme ça, là, un peu éducateurs sportifs ? Parce que bon, il faut aussi les moyens humains pour encadrer tout ce... Oui, bien sûr. Donc vous êtes de nombreux responsables, éducateurs sportifs, hein, comment... Voilà. Donc dans la Loire, on est deux personnes pour gérer la partie sport. Mon collègue sur Saint-Chamond et moi sur Saint-Étienne et la Récamarie. On manage en tout 19 éducateurs, qui est donc deux par terrain. Donc un terrain, c'est foot ou basket. En comptant aussi par exemple le coach de danse de Diptyque. Mmh. On ne le manage pas directement, mais il fait partie de l'effectif. Mmh. Mais donc il y a toutes ces personnes-là, plus trois personnes qui sont un peu plus sur la partie job, plus deux personnes, et un c'est un alternant qui est sur la partie entrepreneuriat, et la directrice leur collée. Donc on a une équipe assez complète. Très bien. Merci Brice, on va devoir arrêter là pour cet entretien de cet après-midi. Merci, avec plaisir. Grand merci, bonne entame de saison encore. Merci là, beaucoup. Puisque vous attaquez donc mercredi. Oui. Et ça va se poursuivre tout au long de cette saison sur l'ensemble de ces quartiers stéphanois et villes voisines. On va le dire, entre Saint-Chamond, Larry Camari, etc. Merci beaucoup Brice Pariel, responsable sportif pour Sport dans la Ville.